Leslie Wood par Anatole France. Il y avait concert et comédie chez Madame N, boulevard Malesherbes. Tandis qu'autour d'un parterre d'épaule nue, les jeunes gens s'étouffaient aux embrasures des portes, dans les parfums chauds, nous autres, vieux habitués un peu grognons, nous nous tenions au frais dans un petit salon d'où l'on ne pouvait rien voir, et où la voix de Mademoiselle Réjeanne ne nous parvenait que comme le bruit légèrement strident du vol d'une libellule. De temps à autre, nous entendions les rires et les applaudissements éclater dans la fournaise, et nous étions enclins à prendre en douce pitié un plaisir que nous ne partagions pas. Nous échangeions d'assez jolis riens, quand l'un de nous, un député aimable, M. B., nous dit « Vous savez, Wood est ici. » À cette nouvelle, chacun se récria « Wood, Leslie Wood, pas possible. Il y a 10 ans qu'on ne l'a vu à Paris. On ne sait ce qu'il est devenu. » On dit qu'il a fondé une république noire au bord du Victoria Nyanza. C'est un conte. Vous savez qu'il est prodigieusement riche, et que c'est un grand réalisateur d'impossibilités. Il habite à Ceylan, un palais féerique, au milieu de jardins enchantés où nuit et jour dansent des bayadères. Comment pouvez-vous croire des bêtises pareilles? La vérité que Leslie Wood est allé avec une Bible et une carabine évangéliser les Zoulous. Monsieur Bay reprit à voix basse. « Il est ici, regardez plutôt. » Et il nous désigna, d'un mouvement de la tête et des prunelles, un homme appuyé à l'embrasure de la porte et qui, dominant de sa haute taille les crânes amassés devant lui, semblait attentif au spectacle. Cette stature athlétique, ce visage rouge avec des favoris blancs, cet œil clair et ce regard tranquille, c'était bien Leslie Wood. Me rappelant les admirables correspondances qu'il donna pendant 10 ans au World, je dis à B. Cet homme est le premier journaliste de ce temps. Vous avez peut-être raison, me répondit B. Du moins, puis-je vous affirmer qu'il y a 20 ans, personne ne savait l'Europe comme Leslie Wood. Le baron Moïse, qui nous écoutait, secoua la tête. Vous ne connaissez pas Wood? Je le connais, moi. C'était avant tout un financier. Il entendait les affaires mieux que personne. Pourquoi riez-vous, princesse? Répandu sur le canapé dans l'ennui morne de ne pouvoir fumer une cigarette, la princesse Évorine avait souri. « Vous ne comprenez Wood, ni les uns ni les autres, » dit-elle. « Wood n'a jamais été qu'un mystique et un amoureux. »« Je ne crois pas cela, » répliqua le baron Moïse. « Mais je voudrais bien savoir où ce diable d'homme est allé passer les 10 plus belles années de sa vie. »« Où mettez-vous les 10 plus belles années de la vie ?»« De 50 à 60 ans. » On a sa position faite et l'on peut jouir de l'existence. Baron, vous pouvez interroger Wood lui-même, le voici qui vient. Les applaudissements, cette fois, faisant un bruit féroce de chute ou de fermeture, annonçaient que la représentation était terminée. Les habits noirs, dégageant les portes, se répandaient dans le petit salon, et tandis que la procession des couples s'acheminait vers le buffet, Leslie Wood venait à nous. Il nous serre la main avec une cordialité placide. « un revenant !» s'écriait le baron Moïse. « Oh !» dit Wood, « je ne peux pas revenir de bien loin, la terre est petite. » « Savez-vous ce que disait la princesse ?»« Elle disait que vous n'êtes qu'un mystique, mon cher Wood. Est-ce vrai ?»« Cela dépend de ce qu'on entend par mystique. » « Le mot s'explique de lui-même. Un mystique est celui qui s'occupe des affaires de l'autre monde. » Or, vous connaissez trop bien les affaires de ce monde-ci pour vous soucier de celles de l'autre. » À ces mots, Wood fronça légèrement le sourcil. « Vous vous trompez, Moïse. Les affaires de l'autre monde sont de beaucoup les plus importantes, de beaucoup, Moïse. » « Ce cher Leslie Wood, » s'écria le baron en ricanant, « il a de l'esprit. » La princesse répliqua très gravement, « Wood, n'est-ce pas que vous n'avez pas d'esprit? J'ai en horreur les gens d'esprit. » Elle se leva. « Wood, conduisez-moi au buffet. » Une heure plus tard, pendant que M. G. charmait par ses chansons les hommes et les femmes, je retrouvai Leslie Wood et la princesse Évorine seuls devant le buffet déserté. La princesse parlait avec un enthousiasme presque sauvage du comte Tolstoï, dont elle était l'amie. Elle représentait ce grand homme, devenu un homme simple, revêtant l'habit et l'âme d'un moujik, et de ses mains qui écrivirent des chefs-d'œuvre, faisant des souliers pour les pauvres. À ma grande surprise, Wood approuvait un genre de vie si contraire au sens commun. De sa voix un peu haletante, à laquelle un commencement d'asthme donnait une singulière douceur. « Oui, disait-il, Tolstoï a raison. Toute la philosophie est dans cette parole « que la volonté de Dieu soit faite ». Il a compris que tous les maux de l'humanité lui viennent d'avoir eu une volonté distincte de la volonté divine. Je crains seulement qu'il ne gâte une si belle doctrine par de la fantaisie et de l'extravagance. « Oh !» répliqua la princesse à voix basse, en hésitant un peu. « La doctrine du comte n'est extravagante que sur un point. Elle prolonge jusqu'à l'âge le plus avancé les droits et les devoirs des époux et l'impose au sein des nouveaux jours la vieillesse féconde des patriarches. » Le vieux Wood répondit avec une exaltation contenue. « Cela encore est excellent et très sain. L'amour physique et naturel convient à toutes les créatures de Dieu. Il ne s'y mêle ni trouble ni inquiétude, il entretient cette simplicité divine, cette sainte animalité, sans laquelle il n'est point de salut. L'ascétisme n'est qu'orgueil et révolte. Ayons présent à l'esprit l'exemple de l'homme de bien Bose, et rappelons-nous que la Bible fait de l'amour le pain des vieillards. » Et tout à coup, ravi, illuminé, transfiguré, en extase, appelant des yeux, des bras, de toute l'âme, quelque chose d'invisible, « Annie, murmura-t-il, Annie, Annie, ma bien-aimée, n'est-ce pas que le Seigneur veut que ses saints et ses saintes s'aiment avec l'humilité des animaux des champs ?» Puis il tomba accablé dans un fauteuil. Un souffle effrayant secouait sa large poitrine. Il avait l'air ainsi plus robuste que jamais, comme ces machines qui semblent plus formidables quand elles sont détraquées. La princesse Éborine, sans s'étonner, lui essuya le front avec son mouchoir et lui fit boire un verre d'eau. Pour moi, j'étais stupéfait. Je ne pouvais reconnaître en cet illuminé l'homme qui, tant de fois, dans son cabinet encombré de blue books, m'avait entretenu si lucidement des affaires d'Orient, du traité de Francfort et des crises de nos marchés financiers. Comme je laissais voir mon inquiétude à la princesse, elle me dit, en haussant les épaules, « Vous êtes bien français, vous. Vous tenez pour fou tous ceux qui ne pensent pas exactement ce que vous pensez vous-même. Rassurez-vous, notre ami Wood est raisonnable, très raisonnable. Allons entendre G. » Après avoir conduit la princesse dans le grand salon, je me disposais à partir. Dans l'antichambre, je trouvais Wood qui mettait son paletot. Il ne semblait pas se ressentir de sa crise. « Cher ami, me dit-il, je crois que nous sommes voisins. Vous habitez toujours le quai Malaquais, et je suis descendu dans un hôtel de la rue des Saints-Pères. Par un temps sec comme celui-ci, c'est un plaisir que d'aller à pied. Si vous voulez, nous ferons la route ensemble et nous causerons. » J'acceptai de bon cœur. Sur le perron, il m'offrit un cigare et me tendit la flamme d'un briquet électrique. « C'est très commode, me dit-il. » Il m'en exposa clairement la théorie. Je reconnaissais le Wood des anciens jours. Nous fîmes une centaine de pas dans la rue en causant de choses indifférentes. Tout à coup, mon compagnon me posa doucement la main sur l'épaule. « Cher ami, quelques-unes des paroles que j'ai prononcées ce soir ont pu vous surprendre. Vous voudrez peut-être que je vous les explique ?»« Vous m'intéressez vivement, mon cher Wood. Je le ferai donc volontiers. J'ai de l'estime pour votre esprit. Nous n'envisageons pas la vie de la même façon. Mais les idées ne vous font pas peur et c'est là un courage assez rare, surtout en France. Je crois cependant, mon cher Wood, que pour la liberté de penser... Oh non, vous n'êtes pas, comme l'Angleterre, un peuple de théologiens. Mais laissons cela. Je veux vous faire en très peu de mots l'histoire de mes idées. Quand vous m'avez connu, il y a 15 ans, j'étais correspondant du World de Londres. Le journalisme est chez nous plus lucratif et plus considérable que chez vous. Ma situation était bonne et j'en tirais, je crois, le meilleur parti possible. J'entends les affaires, j'en fis d'excellentes et je conquis en peu d'années deux choses très enviables, l'influence et la fortune. Vous savez que je suis un homme pratique. Je n'ai jamais marché sans but. Et j'étais surtout préoccupé d'atteindre le but suprême, le but de la vie. D'assez fortes études théologiques, entreprises dans ma jeunesse, m'indiquaient que ce but est situé au-delà de l'existence terrestre. Mais il me restait des doutes quant aux moyens pratiques de l'atteindre. J'en souffrais cruellement. L'incertitude est tout à fait insupportable à un homme de mon caractère. En cet état d'esprit, je donnais une sérieuse attention aux recherches psychiques de M. William Crookes, un des membres les plus distingués de l'Académie royale. Je le connaissais personnellement, et je le tenais avec raison, pour un savant et un gentleman. Il faisait alors des expériences sur une jeune personne douée de facultés psychiques tout à fait singulières, et comme autrefois Saül, il était favorisé par la présence d'un fantôme authentique. Une femme charmante, qui avait autrefois vécu de notre vie, et qui vivait désormais de la vie d'outre-tombe, se prêtait aux expériences de l'éminent spiritualiste et se soumettait à tout ce qu'il exigeait d'elle dans la limite de la bienséance. Je pensais que de telles investigations, portant sur le point où l'existence terrestre confine aux existences extraterrestres, me conduiraient, si je les suivais pas à pas, à découvrir ce qu'il est nécessaire de connaître, c'est-à-dire le véritable but de la vie. Mais je ne tardais pas à être déçu dans mes espérances. Les recherches de mon respectable ami, bien que dirigées avec une précision qui ne laissait rien à désirer, n'aboutissaient pas à une conclusion théologique et morale suffisamment nette. D'ailleurs, William Crookes fut privé tout à coup du concours de l'incomparable dame morte, qui lui avait gracieusement accordé plusieurs séances de spiritualisme. Découragé par l'incrédulité publique et offensé par les railleries de ses confrères, il cessa de publier aucune communication relative aux connaissances psychiques. Je fis part de ma déconvenue au révérend Burt Hogg, avec qui j'étais en relation depuis son retour de l'Afrique australe, qu'il a évangélisé avec un esprit religieux et pratique vraiment digne de la vieille Angleterre. Le révérend Burt Hogg est de tous les hommes celui dont l'action fut toujours sur moi la plus forte et la plus décisive. « Il est donc bien intelligent ? » demandai-je. « Il a une grande intelligence doctrinale, » reprit Leslie Wood. « Il a surtout un grand caractère, et vous n'ignorez pas, cher ami, que c'est par le caractère qu'on agit sur les hommes. » Mais mes contes ne lui causèrent aucune surprise. Il les attribua à mon défaut de méthode, et surtout à la pitoyable infirmité morale dont j'avais fait preuve en cette circonstance. Une recherche d'ordre scientifique, me dit-il, n'amènera jamais qu'une découverte du même ordre. Comment n'avez-vous point compris cela? Vous avez été étrangement léger et frivole, Leslie Wood. L'esprit cherche l'esprit, a dit l'apôtre saint Paul. Pour découvrir les vérités spirituelles, il faut entrer dans la vie spirituelle. Ces paroles produisirent sur moi une impression profonde. Mon révérend père, demandai-je, comment entrerai-je dans la voie spirituelle? « Par la pauvreté et par la simplicité, » me répondit Burt Hogg. « Vendez vos biens et donnez-en l'argent aux pauvres. Vous êtes connus, cachez-vous. Priez, accomplissez des œuvres de charité. Faites-vous un esprit simple, une âme pure, et vous aurez la vérité. » Je résolus de suivre ces préceptes à la lettre. Je donnai ma démission de correspondant du World. Je réalisai ma fortune qui était engagée en grande partie dans les affaires, et redoutant de renouveler le crime d'Ananias et de Saphira, je conduisis cette difficile opération de manière à ne pas perdre un centime de ces capitaux qui ne m'appartenaient plus. Le baron Moïse, qui me vit à l'œuvre, conçut de mon génie financier une admiration religieuse. Sur l'ordre du révérend Burt Hogg, je versai dans la caisse de la société évangélique les sommes que j'avais réalisées. Et comme je témoignais à cet éminent théologien ma joie d'être pauvre, « Prenez garde, me dit-il, de ne goûter dans la pauvreté que le triomphe de votre énergie. Que sert de se dépouiller extérieurement si l'on garde au-dedans de soi l'idole d'or? Soyez humble. » Leslie Wood en était là de son récit quand nous arrivâmes au pont royal. La Seine, où tremblaient des lumières, coulait sous les arches avec un gémissement sourd. « Il faut que j'abrège, » reprit le narrateur nocturne. Chaque épisode de ma nouvelle vie dévorerait une nuit entière. Burt Hogg, à qui j'obéissais comme un enfant, m'envoya chez les Basoutos avec la mission de combattre la traite des Noirs. J'y vécus sous la tente, seul avec ce généreux compagnon de chevet qui s'appelle le danger, et dans la fièvre et dans la soif, voyant Dieu. Au bout de 5 ans, le révérend Burt Hogg me rappela en Angleterre. Sur le bateau, je rencontrai une jeune fille. Quelle vision! Quelle apparition mille fois plus rayonnante que le fantôme qui se montrait à M. William Crookes. C'était la fille orpheline et pauvre d'un colonel de l'armée des Indes. Elle n'avait point une particulière beauté de ligne. Son teint pâle, son visage amaigri, décelaient la souffrance. Mais ses yeux exprimaient tout ce qu'on peut imaginer du ciel. Sa chair semblait éclairée doucement d'une lumière intérieure. Comme je l'aimais. Comme à sa vue je pénétrais le sens caché de la création tout entière. Comme cette simple jeune fille me révéla d'un regard le secret de l'harmonie des mondes. Ô simple, bien simple, mon initiatrice, madame bien-aimée, la douce Annie Fraser. Je lus dans son âme transparente la sympathie qu'elle avait pour moi. Une nuit limpide, comme nous étions seuls tous deux sur le pont du navire en présence de l'assemblée séraphique des étoiles, qui palpitait en chœur dans le ciel, je pris sa main et lui dis « Annie Fraser, je vous aime. Je sens qu'il serait bon que vous fussiez ma femme, mais je me suis interdit de faire ma destinée, afin que Dieu la fasse lui-même. Puisse-t-il vouloir nous unir ? J'ai remis ma volonté entre les mains du révérend Burthog. Quand nous serons en Angleterre, nous irons le trouver tous deux. Voulez-vous, Annie Fraser ? Et s'il le permet, nous nous marierons. » Elle y consentit. Tout le reste de la traversée, nous lûmes la Bible ensemble. Dès notre arrivée à Londres, j'amenai ma compagne de voyage au révérend, et je lui dis ce que l'amour de cette jeune fille était pour moi, et de quelle belle lumière il me pénétrait. Burthog la considéra longtemps avec bienveillance. « Vous pouvez vous marier, dit-il enfin. L'apôtre Paul a dit, « Les époux se sanctifieront l'un l'autre. » Mais que votre union soit semblable aux unions en honneur parmi les chrétiens de la primitive Église, qu'elle reste purement spirituelle, et que le glaive de l'ange demeure entre vous dans votre couche. Allez, restez humble et caché, et que le monde ignore votre nom. J'épousai Annie Fraser, et je n'ai pas besoin de vous dire que nous observâmes exactement la loi que le révérend Burthog nous avait imposée. Pendant 4 années, je me délectais de cette union fraternelle. Par la grâce de la simple, simple Annie Fraser, j'avançais dans la connaissance de Dieu. Rien ne pouvait plus nous faire souffrir. Annie était malade et ses forces déclinaient, et nous disions avec allégresse que la volonté de Dieu soit faite sur la terre et dans le ciel. Après 4 ans de cette union, un jour, le jour de Noël, le révérend Burthog me fit appeler. « Leslie Wood, me dit-il, je vous imposais une épreuve salutaire. » Mais ce serait tomber dans l'erreur des papistes que de croire que l'union des êtres selon la chair ne plaît point à Dieu. Il a béni 2 fois dans le paradis terrestre et dans l'arche de Noé les couples des hommes et des animaux. Allez, et vivez désormais avec Annie Fraser, votre épouse, comme un mari avec sa femme. Quand je rentrais chez moi, Annie, mon Annie bien-aimée, était morte. J'avoue ma faiblesse. Je prononçais des lèvres et non du cœur cette parole, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite !» Et songeant à ce que le révérend Burthog venait d'accorder à notre amour, je sentis ma bouche amère et mon cœur plein de cendres. Et c'est l'âme désolée que je m'agenouillais au pied du lit, où mon Annie reposait sous une croix de rose, muette, blanche, et les pâles violettes de la mort sur les joues. Homme de peu de foi, je lui dis adieu. Et je restais plongé pendant 1 semaine dans une tristesse stérile qui ressemblait au désespoir. Combien j'aurais dû me réjouir au contraire, dans mon âme et dans ma chair. La nuit du 8e jour, tandis que je pleurais, le front sur le lit vide et froid, j'eus la certitude soudaine que la bien-aimée était près de moi dans ma chambre. Je ne me trompais pas. Ayant levé la tête, je vis Annie souriante et lumineuse qui m'ouvrait les 2 bras. Mais comment exprimer le reste? Comment dire l'ineffable? Et doit-on révéler de tels mystères d'amour? Certes, quand le révérend Burthog m'avait dit « Vive avec Annie comme un mari avec sa femme », il savait que l'amour est plus fort que la mort. Enfin, mon ami, apprenez que depuis cette heure de grâce et de joie, mon Annie revient chaque soir près de moi, embaumée de parfums célestes. Il parlait avec une effrayante exaltation. Nous avions ralenti le pas. Il s'arrêta devant un hôtel de pauvre apparence. « C'est ici que j'habite, » me dit-il. « Voyez-vous à cette fenêtre, au 2nd étage, cette lueur ? Elle m'attend. » Et il me quitta brusquement. 8 jours après, j'apprenais par les journaux la mort subite de Leslie Wood, ancien correspondant du World. C'était Leslie Wood par Anatole France.